L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Découverte aujourd'hui de l'association Nancy France Pologne. Et pour nous en parler, bien deux bénévoles de l'association, en compagnie de Monika Rozumek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de polonais et interprète. Et monsieur Frédéric Hun, bonjour. Bonjour. Bénévole et surtout président de l'association Nancy France Pologne. Et nous sommes également en compagnie de Guillaume. Bonjour. Voilà, qui est en stage chez nous et qui pourra être amené de poser quelques questions. L'association Nancy France Pologne, pour revenir un peu aux origines de cette association, comment elle est née et depuis quand existe-t-elle à Nancy ? Elle existe depuis environ 12 ans. Elle a été créée par quelques personnes volontaires, certaines issues de la communauté polonaise. La présidente fondatrice s'appelle Christiane Galeski-Wild. Wild, c'est son nom d'épouse, et Galeski, c'est son nom de jeune fille. Elle est originaire de l'émigration polonaise, d'une certaine manière, même si elle n'est pas originaire de Lorraine. Mais c'est vrai qu'il y a eu une volonté de la part d'un certain nombre de personnes de Nancy, qui étaient d'origine polonaise ou intéressées par la culture polonaise, de faire vivre la culture polonaise, de faire vivre la connaissance de ce pays au pays de Stanislas. Je pense qu'il y a vraiment une légitimité, même si nous, à Nancy, nous sommes pas tant que ça une terre d'immigration polonaise par rapport à d'autres bassins de Lorraine, notamment au bassin Houillé ou le Pays Haut. Et il y a eu aussi une communauté polonaise, alors plutôt du côté de Maxéville, puisqu'il y a eu aussi des mines. Beaucoup de Polonais sont venus travailler dans les mines en France, en Allemagne aussi d'ailleurs. Et on constate effectivement qu'il y a eu une immigration plus spécifique dans ce domaine-là. Et donc ça a influé sur la localisation de certaines communautés polonaises, je pense en Lorraine, dans le bassin Houillé, dans le bassin Ferrifère. Et aussi alors pour l'industrie, du côté de Pont-à-Mousson, Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Il y a quelques associations qui sont très actives dans ce coin-là. Et donc vous êtes président de l'association. Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir et devenir même président de l'association Nancy France Pologne ? Eh bien écoutez, moi je suis pas d'origine polonaise, mais j'ai des liens avec la Pologne. J'y ai vécu dans les années 1990. J'ai été coopérant dans le cadre d'un jumelage entre la ville de Saint-Dié-des-Vosges et la ville de Zakopane. On connaît Zakopane à la prononciation française, mais en polonais c'est Zakopane. J'y ai vécu et j'ai des liens très particuliers. J'ai appris la langue polonaise aussi, donc forcément, bon, c'est vrai, de trouver un foyer associatif ici à Nancy qui est dévolu à une meilleure connaissance de la Pologne et de la culture polonaise, ça m'a intéressé. J'ai rencontré l'association dans le cadre justement d'une exposition qui était montée avec d'autres partenaires, mais sur le thème de Witkacé, qui était un auteur, on va dire, créateur, fois peintre, dramaturge, et qui a vécu à Zakopane, qui est d'ailleurs né. Et cette exposition avait été présentée à Nancy il y a quelques années. Voilà, donc c'était cette occasion pour découvrir l'association, et puis voilà, c'était le point de départ. Absolument, et puis je dirais, on a sympathisé avec les personnes de l'association, et donc j'ai décidé de m'y investir davantage. Nous avons au téléphone Monika Rozumek, donc vous êtes professeur et interprète. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, au sein de cette association ? Parce que vous êtes d'origine polonaise. Oui, je suis d'origine polonaise, et je suis venue en France dans les années 90, et donc c'est ici que j'ai fait mes études, à la faculté de lettres, dans le département des cultures et des civilisations étrangères. J'ai toujours fait partie de la vie associative. J'ai moi-même été présidente d'une association qui n'existe plus, qui s'appelait donc l'École polonaise, qui avait pour but donc la promotion de la culture, de la langue polonaise. Et donc depuis un moment, je cherchais à m'investir, me réinvestir dans une autre association, et donc j'ai découvert Francinance Pologne. Et donc, j'en fais partie depuis plusieurs années maintenant. Voilà, 12 ans donc, que l'association existe aujourd'hui. Mm-hmm. Et en 2023, donc, ça se concrétise comment les actions que vous menez au sein de cette association ? Quel rendez-vous vous proposez au cours de l'année pour faire connaître la culture polonaise ? En fait, on a un socle traditionnel qui est des rencontres culturelles, thématiques, essentiellement localisées à la MJC Lillebonne, mais pas que, qui permettent d'avoir des informations et d'échanger sur l'histoire, la société, la géographie, enfin un certain nombre de thématiques, comme par exemple, on a ouvert la saison avec une rencontre sur le thème sur les pas de Frédéric Chopin et Georges Sand à Majorque, histoire polonaise par un autre biais, ou par exemple, début janvier, une rencontre sur Katia Kaczmar, une personne qui effectivement est née en Pologne, mais d'origine ukrainienne et qui a vécu en Algérie française et ensuite est venue en France, donc un parcours de vie tout à fait atypique. En même temps, finalement, c'est une personne que l'un de nos adhérents et qui est un ancien professeur et qui intervient régulièrement pour animer nos rencontres culturelles, a connu personnellement. Donc vraiment, c'était aussi l'occasion de plonger dans cette histoire de la Pologne de l'entre-deux-guerres et des liens entre la Pologne et l'Ukraine. Je ne cache pas que la situation actuelle nous touche beaucoup et effectivement, bon, la Pologne étant le pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens en Europe et qui est effectivement en pointe sur l'aide à l'Ukraine et le soutien dans le cadre de ce conflit qui maintenant est quasiment à une année. Depuis 12 ans que vous organisez comme ça des rendez-vous réguliers, vous trouvez que l'image aussi, la culture polonaise s'améliore. On connaît bien sûr le roi Stanislas, mais on ne sait pas forcément tous c'est les vrai. Autres liens. C'est vrai, Stanislas, c'est un peu l'emblème de Nancy, mais en même temps, on ne connaît pas forcément toute son histoire, tout son cheminement. Et il y a des projets, là, je dirais, à plus long terme, hein, sur d'articulation autour de la route Stanislas, c'est-à-dire impliquer un certain nombre de collectivités qui ont jalonné finalement des villes ou villages même, qui ont jalonné le parcours de Stanislas au fil de son existence, parce que Stanislas est né à Lviv actuellement en Ukraine, et donc a été par deux fois roi de Pologne. C'était l'époque où les rois étaient élus au sein d'un nombre limité, certes, mais de nobles de la Pologne. Hein. C'est ce qu'on appelait la monarchie élective. Donc par deux fois, il a été élu roi. Et ultérieurement, comme on le sait, il est devenu le dernier duc de Lorraine. Mais effectivement, Stanislas est un emblème, mais en même temps, la connaissance de la Pologne, elle peut s'articuler autour de Stanislas, mais elle doit aussi pouvoir prendre appui sur les réalités actuelles de la Pologne, qui est un pays moderne, qui est un pays à l'économie très dynamique, un pays au cœur de l'Europe, et qui est effectivement avec une position aujourd'hui géostratégique, notamment en lien avec l'Est de l'Union Européenne, l'Est de l'espace Schengen, puisque c'est la frontière Est de l'espace Schengen, la frontière polono-ukrainienne, polono-biélorusse et polono-russe, puisqu'effectivement il y a l'enclave de Kaliningrad. Mais effectivement, le rôle de la Pologne aujourd'hui est majeur sur le plan de la géopolitique. Donc un regard sur l'histoire de ce pays et des liens qu'il peut y avoir avec la Lorraine et la France, et aussi avec ce regard qui peut arriver sur l'actualité, comme vous le dites. Donc ça, tout ça, on peut le découvrir lors de vos rencontres, lors des rencontres culturelles, par exemple. Oui, absolument. Et puis en plus, nous avons aussi d'autres modes d'action. Oui. On peut organiser, ça nous est déjà arrivé, des concerts, des spectacles de danse. On a aussi une articulation avec la gastronomie, qui est un point tout à fait important. Et donc le 31 mars prochain, donc on aura une nouvelle édition de notre rendez-vous La Pologne côté cuisine, s'initier, préparer, déguster, où on propose à un certain nombre de personnes, un nombre limité quand même, de pouvoir participer à un atelier cuisine et découvrir la manière dont on réalise, dont on fabrique d'une certaine manière un repas polonais. Et la deuxième partie, ouverte plus largement, qui est un repas, c'est on déguste ce qui a été préparé et peut-être aussi d'autres choses, quelques petites surprises. Voilà, ce sera le 31 mars. Hein, absolument. Ça. Donc ce sera à l'Axou, là, ce sera à la salle Juillère. Oui. Et la prochaine rencontre culturelle sera le 2 mars au Cercle du Travail et sur un thème là aussi ancré sur la société actuelle polonaise, mais aussi sur son passé, qui est la franc-maçonnerie en Pologne. Alors autour de la personnalité de Gabriel Narutowicz, qui était le premier président de la Deuxième République de Pologne, donc dans l'immédiat après-guerre, après Première Guerre mondiale. Des rendez-vous qu'on retrouvera bien sûr sur les sites internet et les réseaux sociaux. Avec l'association Nancy France Pologne, il est aussi possible d'apprendre un peu de polonais. On peut peut-être demander à Monika Rozumek, qui est, donc je le rappelle, professeure de polonais donc, et interprète. On peut apprendre le polonais avec vous, au sein de l'association? Oui, bien sûr. Donc, notre siège se trouve à la MJC Libon. Et effectivement, depuis plusieurs années, donc, il existe trois niveaux de cours de polonais. Donc, des débutants, pour des débutants, les faux débutants, et pour des personnes qui connaissent déjà un peu la langue polonaise. Et donc, nous avons des cours deux fois par semaine, donc les lundis, donc à partir de 17h jusqu'à 20h. Donc deux niveaux différents et le mercredi également. Donc voilà, donc nous invitons tout le monde, tous ceux qui veulent découvrir la langue polonaise, à participer à ces cours. C'est des cours de langue, mais aussi je partage avec mes élèves donc des éléments de culture, de littérature polonaise, et nous parlons aussi des actualités en Pologne. Une question d'extrême novice en polonais, puisque je n'y connais strictement rien. Est-ce que c'est compliqué d'acquérir quelques bases dans cette langue ? Non, Les bases, non, mais c'est une langue qui est quand même classée dans le top 10 des langues les plus difficiles au monde. Donc ça se complique assez rapidement, mais c'est une langue extrêmement intéressante. C'est une langue slave, donc proche des langues ukrainiennes, tchèques, russes, et voilà, d'autres langues slaves. Guillaume. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous êtes partenaire avec d'autres instituts? Par exemple, je connais le Goethe-Institut. Je ne sais pas si vous organisez des événements avec eux ou pas, vu que ça pourrait être un bon échange entre les langues, oui, les cultures. Non, actuellement, nous n'avons pas de lien particulier avec l'Institut, avec Goethe Institut, mais effectivement, il était question à un moment donné d'entrer en contact avec cette institution. Et moi, particulièrement, je trouverais ce projet très intéressant. Donc, pourquoi pas? Surtout que Nancy a aussi des liens assez forts avec l'Allemagne. Et effectivement, n'oublions jamais que la place Stanislas rénovée a été inaugurée par le président Jacques Chirac, le président polonais Aleksander Kwaśniewski et le chancelier allemand Gerhard Schröder. Le triangle Weimar, ce qu'on appelle le format Weimar en langage diplomatique, hein, France, Allemagne, Pologne, est assez vivace ici à Nancy. Et pour revenir, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le côté culinaire de la Pologne, vous avez un rendez-vous le 31 mars. Quel plan emblématique, pour donner un peu l'eau à la bouche à nos auditeurs, peut-on retenir de la Pologne? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la cuisine polonaise. C'est une cuisine qui est très différente de la cuisine française. Elle est très, très axée sur les produits de la forêt, donc le gibier, les champignons, donc toutes sortes de champignons. Il y a aussi des gruaux, donc que l'on appelle communément kasza en Pologne, et des produits lactofermentés que l'on connaît en France, surtout en Alsace, donc c'est de la choucroute. En Pologne, nous avons notre choucroute à nous. Et donc c'est une cuisine qui peut, je pense, être très dépaysante pour un public français, avec des saveurs et des goûts complètement différents et je trouve très originaux. Je confirme, c'est une cuisine effectivement très variée, excessivement variée. On n'a pas idée depuis la France à quel point cette cuisine est diversifiée, puis propose des saveurs très très différentes. On est à quelques jours, ce qu'on appelle en polonais le Tłusty Czwartek, parce que c'est pas le mardi gras en Pologne, c'est le jeudi gras. D'accord. Et ben, voilà, donc il y a les fameux panczki, hein, donc des beignets, mais évidemment là c'est une infime échantillon de la gamme immense des gâteaux qui existaient en Pologne. C'est incroyable, des gâteaux à base par exemple de pavot, hein, ce qu'on appelle le makowiec, des gâteaux à base de fromage, etc. C'est très très bon, il y a une diversité incroyable. Je ne parlerai que du sucré, mais en matière de salé c'est aussi très très varié. Bon, le plus simple c'est peut-être de prendre date du 31 mars et de venir et de participer et goûter. Ah aussi, oui. Hein. Comment on peut faire d'ailleurs pour cette date notamment, puis pour en savoir plus sur l'association? Les personnes peuvent nous contacter, on a une adresse email qui s'appelle nancy.france-pologne@laposte.net qui vient juste d'être étrennée. Sinon, bah, évidemment, on peut nous contacter par le biais de la MJC Lillebonne, et régulièrement nous publions des annonces, par exemple dans l'Est républicain, dans la rubrique pour sortir, qui sont accessibles sur le net. Hein, donc là-dessus, on trouvera tous les contacts, les prix aussi, parce qu'effectivement, bah, si on participe à l'atelier cuisine, bah, on a une petite participation, parce qu'il faut payer les ingrédients aussi, et pour le repas également, même si évidemment c'est moins cher pour ceux qui participent. Donc ça vaut le coup toujours aussi, effectivement, de déguster. Merci beaucoup Frédéric Hun. Merci à vous. Merci beaucoup Monica Rozumek. Merci, merci beaucoup. Et merci Guillaume. Merci. L'actualité annoncée ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.